petites chats, trois petites chats, trois petites chats, chats, chats. Chatundem, chatundem, chatundem, dem, dem. Demon one, demon one, demon one, one, one. One again, one again, one again, again, again. Wesh le ça, wesh le ça. Sadi wak, sadi wak. Wakanda, Wakanda. Takatin, takatin. Tignas Londres, tignas course. Courtney Cox, Courtney Cox. Coq sportif, coq sportif. J'sais pas quoi dire, j'sais pas quoi dire. Dis voilà, dis voilà. What a bok, what a bok. Beaucoup de beef, beaucoup de bitch. Bitch soccer, bitch party. Party next door, party next door. Doremi, mi amor. Mort au rat, mort au rat. Ramayad, Ramayad. Trois petites chats, trois petites chats. Trois petites chats, chats, chats. Chatundem, chatundem. Chatundem, dem, dem. Demon one, demon one, demon one, one, one. One again, one again, one again, again, again. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats. Chatundem, chatundem, chatundem, dem, dem. Demon one, demon one, demon one, one, one. One again, one again, one again, again, again. Wesh le sang, wesh le sang. 5000 E, 5000 E. Camarade, tu déconnes, wesh. Ok, ok, ok, attends, attends. 200G. J'ai le plafond, j'ai le plafond. Vends des skuds, fais des skuds. Skuds, Kamoto, semi-auto. Totorina, Totorina. Kirina Shai, Kirina Shai. Shai ton bout, shai ton bout. Boula Z, Boula Z. ZZ Tone, ZZ Tone. Tonique, tonique. Kishmara, Kishmara. Ratata, ratata. Trois petits chats, trois petits chats. Trois petits chats, chats, chats. Chatundem, chatundem. Chatundem, dem, dem. Demon one, demon one. Demon one, one, one. One again, one again. One again, again, again. Trois petits chats, trois petits chats. Trois petits chats, chats, chats. Chatundem, chatundem. Chatundem, dem, dem. Demon one, demon one. Demon one, one, one. One again, one again. One again. Bien sûr, je suis toi, dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Tactiquement, techniquement, même des choix, je ne sais pas où te mettre. Fais une semaine, dehors, réfléchis.